Le maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de notre parti et de notre peuple, a envoyé le 21 une couronne mortuaire devant la dépouille de Kang Suk-ju, membre du comité central du Parti du Travail de Corée et député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, en signe de ses profondes condoléances.